Au sommaire de ce quatrième numéro dissipons le blocage des gilets jaunes. On est en direct depuis l'université, vous le voyez derrière moi, des dizaines et des dizaines de gilets jaunes bloquent les accès des allées Condorcet et du coup bloquent la circulation vers les centres commerciaux. On y revient dans quelques instants, on reviendra également sur le reste de l'actualité avec cette attaque d'ours dans les Pyrénées envers une brebis. On parlera également de la manifestation qui s'est déroulée à Pau cette semaine autour de la PMA, sans oublier le point traditionnel sur votre météo, en direct depuis donc le blocage des gilets jaunes à Pau, ici pour le numéro 4, ça commence maintenant. Et donc bienvenue à vous, comme je vous le disais, on est en direct depuis l'université où depuis 7h30 ce matin, des blocages, ce qui crée énormément de bouchons. C'était annoncé depuis déjà plusieurs semaines, c'était donné rendez-vous à 7h du matin sur le parking du Zénith pour faire le point sur la situation avant de se dispatcher vers les différents centres commerciaux et les grands axes routiers palois pour accéder notamment au centre-ville mais également à l'autoroute. Ils sont très nombreux, ici ils sont à peu près une centaine, on en a vu tout autant du côté de Auchan et Carrefour ce matin. Et pour la peine justement, les gros centres commerciaux comme Leclerc, Auchan ou encore Carrefour sont fermés. Aujourd'hui, la mobilisation qui est très forte, justement, on a pu s'entretenir avec le porte-parole ici du blocage, Alexandre. Entretien réalisé il y a quelques minutes, je vous propose de l'écouter. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi de faire un blocage ici à Leclerc ce matin ? Bah, pour bloquer l'économie en fait. Voilà, on a bloqué plusieurs centres commerciaux, Leclerc, Auchan, Carrefour, Quartier Libre. C'est pour vraiment bloquer l'économie, on a bloqué les stations essence, vraiment pour cibler en fait l'économie, tout l'argent qui rentre dans le magasin part à l'État aussi, une partie enfin en tout cas, et du coup on espère que ça aura un impact quoi. Alors il y a beaucoup d'automobilistes qui passent parce qu'on est sur les allées Condorcet, c'est un des axes très fréquentés de Pau. Vous discutez avec les automobilistes un petit peu, qu'est-ce qui se dit ? Ah, c'est mitigé, bon il y a au moins les trois quarts qui sont d'accord avec nous, qui chipotent pas. Même la police, ils passent, ça se passe très très bien, on parle avec eux, on rigole avec eux, il n'y a pas de souci. Après malheureusement il y a des gens qui passent, qui forcent, qui sont pas contents, donc tout le monde est touché. On manifeste pas pour une catégorie de personnes, on manifeste vraiment pour tout le monde. Donc tout le monde devrait se sentir concerné, donc tout le monde devrait mettre son gilet jaune et venir manifester avec nous. Et le point sur la situation à l'heure où l'on se parle, en tout cas au niveau local, à Pau, 13 points de blocage qui se déroulent notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, autour des grands centres commerciaux. Il y en a 18 au niveau départemental, c'est ce que nous disait il y a quelques minutes la préfecture à travers un communiqué de presse. Et puis on n'a pas encore de chiffre exact sur le nombre de gilets jaunes sur toute la ville de Pau. En tout cas au niveau national, ce qu'on sait c'est que pour l'instant on annonce 50 000 manifestants, mais il se peut que ça soit nettement plus, ce sont les chiffres du ministère de l'intérieur. Et puis on peut noter au niveau national une manifestante qui a été tuée à un barrage par une voiture, ça s'est déroulé en Savoie, c'est la place Beauvau qui annonce ça à l'agence France Presse. Voilà en tout cas la situation où on en est actuellement. On va y revenir bien sûr dans quelques instants, on va faire le point sur le reste de l'actualité. Et le reste de l'actualité, c'est cette attaque d'ours qui s'est déroulée le week-end dernier. C'était en Espagne et c'est Claverita, une des deux ours qui a été réintroduite dans les Pyrénées, souvenez-vous, le mois dernier, qui a donc attaqué cette brebis à la frontière franco-espagnole. Elle a effectué plusieurs allers-retours entre l'Espagne et la France. Pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, on parle d'un non-événement. En effet, on dit que c'est quelque chose de tout à fait normal, car les ours étaient alimentés au début de leur réintroduction. Mais il faut bien qu'elle s'alimente et donc c'était une attaque qu'on attendait. Néanmoins, quelque chose a été pointé suite à cette attaque, c'est le manque peut-être de coopération et de coordination entre la France et l'Espagne. Le préfet Gilbert Payet a fait le point justement sur la situation cette semaine. Je vous propose d'écouter, il nous parle donc de cette coopération avec l'Espagne, Gilbert Payet. Alors j'ai rencontré les autorités espagnoles dans le cadre de la mission que j'ai conduite au mois de juin de l'année dernière, puisque effectivement j'ai rencontré les responsables à la fois de Navarre, d'Aragon et du ministère espagnol de l'Environnement. On était convenus ensemble de se retrouver régulièrement, il se trouve que ça n'a pas été fait depuis ce mois de juin. L'événement récent qui est la prédation d'une brebis en Espagne a permis de renouer ce contact, puisque la directrice générale de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de Navarre m'a appelé mardi matin Tout indique effectivement, compte tenu de ce que nous connaissons de la géolocalisation des ours et des éléments sur cette prédation, que c'est l'une des deux ours, en l'espèce Claverina, qui est à l'origine de cette prédation. Et nous avons commencé à travailler ensemble pour renforcer, améliorer les transferts d'informations sur la géolocalisation des ours et aussi améliorer notre échange sur les mesures de prévention, de protection, d'où une rencontre en cours d'organisation entre les autorités régionales après un échange qui est intervenu hier entre le ministre donc français et espagnol en charge de l'environnement. Voilà, et donc une coopération qui va falloir désormais étendre avec l'Espagne. Le dossier devrait avancer d'ici les prochains jours, c'est ce que nous disait la préfecture. On parle maintenant de la manifestation qui s'est déroulée à Pau, c'était jeudi, entre les anti-PMA et les pro-PMA. Une manifestation qui était prévue au niveau national par les anti-PMA et soutenue au niveau local par l'Alliance Vita, qui s'est déroulée à Place Clémenceau, qui a fait face à l'association Arcolan, une association qui regroupe les LGBT et puis surtout pro-PMA. Ils se sont fait face pendant près d'une heure et demie. Alors certes, l'ambiance était assez houleuse, mais quand même assez calme. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet tout d'abord Camille Pervaillant de l'Alliance Vita, qui est donc anti-PMA, et puis ensuite Jérôme Massegoza, qui est de l'association Arcolan pro-PMA. Ils reviennent tous les deux sur pourquoi avoir organisé un rassemblement à Pau jeudi. Il y a une révision prévue des lois bioéthiques, et dans le travail sur la révision des lois bioéthiques, il y a des articles qui correspondent cette ouverture de la PMA à d'autres couples que et à des femmes seules. Nous, on pense que la PMA doit être réservée aux couples formés d'un homme et d'une femme. Les enfants ont besoin d'un papa et tout le monde est né d'un père et d'une mère, et on a besoin d'un papa pour vivre et se développer. On a décidé de faire ce contre-rassemblement donc en réaction au mouvement qui est en train de se faire en face, donc de Alliance Vita, qui est une association donc, qui est pro-vie, contre l'avortement, contre la PMA et en général contre les homosexuels aussi. Parce qu'on a fait le constat en 2013 qu'avec la mise en voiture qu'on a subie pendant des mois et des mois lors des rassemblements anti-mariage pour tous, l'homophobie en France en fait a augmenté assez fortement après cette période-là, et on en subit encore actuellement les conséquences. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette manifestation qui s'est déroulée à Pau jeudi. Deux informations en bref. Un mot de sport avec l'Élan Béarnais qui a perdu à Antibes hier soir. Score final 83-73. Une première victoire pour Antibes, mais qui fait un petit peu mal à l'Élan Béarnais. Prochain match, ça sera samedi au Palais des Sports de Pau. Et puis les Idées Mènent le Monde qui ont ouvert leurs portes hier au Palais Beaumont. Trois jours autour d'un thème cette année. Demain, un autre monde. Beaucoup d'auteurs, de personnalités sont attendus, notamment Christine Ockrinthe, Michel Drucker et bien d'autres. Le programme, vous le retrouvez sur le site officiel des Idées Mènent le Monde. Avant de se quitter, un petit mot pour vous rappeler l'opération de blocage des Gilets jaunes qui va se dérouler toute la journée. De très nombreux centres commerciaux sont fermés. Je vous rappelle Leclerc, Auchan ou encore Carrefour. Et puis beaucoup de points de mobilisation, ils sont très nombreux. Ici à Leclerc notamment, où il y a beaucoup de bouchons sur les allées Condorcet. Également de l'autre côté, au niveau de la station service. On vous tiendra bien sûr au courant tout au long de la journée sur notre compte Twitter et à travers de nombreux directs qui vont se poursuivre tout au long de la journée. C'est la fin de ce podcast et comme d'habitude, le petit point traditionnel sur votre météo pour ce week-end. Le soleil, vous le voyez, il est bien là pour ce samedi. Température 17 degrés au meilleur de la journée prévue cet après-midi à Pau. Pour demain, malheureusement, ça sera le retour des nuages entre 10 à 12 degrés. Et c'est ainsi que s'achève ce 4e numéro d'ici Pau. Merci à vous de nous avoir suivis. Un petit mot avant de se quitter quand même pour vous expliquer que les podcasts vont se mettre en pause quelques semaines. En effet, on vous prépare un podcast encore meilleur que celui que vous connaissez actuellement. On vous remercie d'ailleurs d'être très nombreux à nous suivre et pour vos nombreux retours justement. C'est pour cela qu'on va continuer à vous informer néanmoins sur notre compte Twitter et à travers notre Periscope. C'est l'info pour. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver tous nos autres podcasts sur notre site internet, c'est-l'info.fr. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Benjamin Klein qui était derrière la caméra pour ce direct et pour tous les directs qui vont se dérouler aujourd'hui, qui vont se poursuivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et dans le VR. À bientôt.